Et Dominique Bolduc de CKJ ainsi que Michel Tifon ont parlé avec l'entraîneur-chef des Marquis de Jonquière, Benoît Gratton. Donc, on écoute cette entrevue. Revenir sur ses premiers matchs avec l'entraîneur-chef des Marquis, Benoît Gratton. Bon lundi, Benoît. Salut, ça va bien? Oui, ça va très bien. Écoute, après une fin de semaine de 500, on va se dire une victoire, une défaite. Globalement, es-tu satisfait de la performance de ton équipe? Honnêtement, vendredi, non. Samedi, oui. Donc, ça a été une fin de semaine en deux temps, là. Je te dirais que vendredi, ça a été un des matchs là, les plus tristes, je te dirais, depuis un bout. Là. On n'était vraiment pas dans le coup, là. Comment tu peux expliquer justement cette mauvaise sortie du premier match de la finale? Parce que les joueurs étaient quand même réchauffés, avaient continué à jouer durant toutes les dernières semaines. Sorel était reposé. Est-ce que c'est le fait peut-être un peu de fatigue et le fait que Sorel était peut-être mieux nanti côté blessure et forme physique? Non, je pense pas, parce que tu sais, le lendemain, on avait presque le même alignement, puis ça a été complètement une histoire différente. Je te dirais, je sais pas, peut-être que, tu sais, quand tu reviens d'une grosse série contre Thetford, où on a dépensé beaucoup d'émotions, puis c'est deux équipes qui jouent différemment, peut-être que, je sais pas si on pensait justement à continuer avec ce momentum-là de l'autre série, mais souvent ça arrive dans les séries éliminatoires, le premier match d'une série, je pense qu'il ne faut pas justement juste se concentrer sur ce premier match-là, parce que souvent, ça ne va pas être l'indication de comment la série va aller. L'expliquer pourquoi exactement, je pourrais pas te le dire. C'est sûr qu'on a regardé beaucoup de vidéos après. Puis juste un exemple, là, je peux te donner. On a eu 37 revirements vendredi. Samedi, on a eu 11 revirements. Oui. Juste là, je dirais que c'est peut-être beaucoup entre les deux oreilles là, que ça s'est joué. Des fois, on dit ça arrive une équipe d'en avoir une mauvaise dans le corps. Quand tu es rendu en finale, c'est aussi bien l'avoir dès le premier match. Comme ça, on se dit que ça peut pas être pire. Ah oui, absolument. Bon, si on a à choisir là, un match à perdre, c'est pour ce premier match. Ça, sans aucun doute. Là. On veut pas jouer notre mauvaise ou notre moins bonne game là, rendu dans la fin de la série, là, ça c'est certain. Après le quatrième but, tu as cru bon retirer ce vendredi soir-là, Cédric Desjardins devant le filet. Est-ce que tu n'étais pas content de sa performance ou tu aimais mieux le reposer pour qu'il soit frais dispo le lendemain? Non, écoute, je pense que c'était plus pour le reposer. Là. Je voyais que le match là, s'en allait nulle part. Puis c'est sûr que je vais donner aussi quelques minutes là, à Raphaël, là, qui n'a pas joué beaucoup de minutes là, pendant les séries éliminatoires, au cas où, on ne sait jamais. Donc, c'était vraiment juste pour juste reposer là, Cédric. Il a rebondi comme Cédric est capable de rebondir là, le samedi. Là. Comme tout le monde, ça a été un match très électrisant, très serré jusqu'à la toute fin. Mais vous avez tenu le coup. Puis ce qui a été important, surtout dans ce match-là, c'est le premier but. Dès que vous avez marqué le premier but, on dirait on a senti la foule qui était nombreuse, qui était bruyante, la vraie foule des Marquis, vous soulever. Puis je pense que ça s'est senti jusqu'à la toute fin. Bon, sans aucun doute. Écoute, on avait parlé qu'on n'avait pas marqué le premier but souvent dans les séries. Puis avec la meilleure foule de la saison, c'est sûr que c'était dans le plan de match. On voulait aller chercher justement cette énergie-là. C'est exactement ce qu'on a fait, puis je te dirais qu'on a vraiment surfé sur cette vague-là là, du début à la fin. Je t'ai senti, Benoît, durant cette rencontre-là, aussi plus agité derrière le banc. Est-ce que je me trompe? Est-ce que tu sentais aussi la foule te soulever? Je te sentais plus émotif. Oui, je te dirais un peu, mais j'ai pas aimé. Tu sais, je sais pas la façon que ça allait du côté des arbitres. Là, j'ai trouvé que quelquefois, là, il aurait pu appeler des pénalités, puis surtout quand on avait les devants. Écoute, je pense que c'est un match, oui, qui avait beaucoup d'émotions, puis c'est peut-être la raison que je me suis peut-être un peu apporté, mais en même temps, je pense que une fois de temps en temps, là, aller chercher l'émotion, que ce soit, c'est sûr, il ne faut pas se concentrer sur le travail là, des arbitres, puis c'est des choses qu'on contrôle pas. Mais oui, peut-être que oui, t'as raison. Que je sais pas si c'est la foule qui a fait qui m'a engagé un peu plus, mais Je pense que une fois de temps en temps, se laisser aller comme ça, ça fait du bien. Ben, ça fait sentir un peu le ce que tu avais en tant que joueur à l'époque. Oui, mais tu sais, il faut faire attention parce que quand tu joues, oui, tu vas chercher l'émotion, mais j'ai toujours joué sur la ligne, mais en tant qu'entraîneur, oui, c'est le fun. Je pense qu'il y a des partisans, il y a du monde qui aimerait ça avoir des entraîneurs qui sont. Mais il faut faire attention parce que si l'entraîneur perd le contrôle, souvent ça déteint sur les joueurs. Puis on a quand même plusieurs joueurs émotifs. Donc il faut souvent, tu sais, il faut vraiment toujours rester un petit peu, on dit en anglais le even keel, rester vraiment le plus sur le plus neutre possible pour justement pas. Je te dirais que oui, de l'émotion, on en a, puis je veux que les joueurs jouent avec l'émotion, mais c'est quand même une ligne qui est dangereuse là, souvent. Il faut vraiment faire attention en tant qu'entraîneur. Je veux revenir sur certains événements. Bon, surtout sur le match de samedi, on voyait qu'il y avait beaucoup de mêlées après le coup de sifflet. Puis je lisais au courant de l'année en disant « Ah, les Marquis sont pas gros, ils vont se faire intimider. » Je m'excuse, mais quand je voyais les mêlées après le coup de sifflet, hey, on est loin de se faire intimider. On est capable d'intimider nous autres aussi. Puis là, lorsqu'il y a eu le contact avec Étienne Brodeur, avec Cédric Desjardins, bon oui, Cédric s'est pas laissé faire, mais tu as vu Francis Véropol venir défendre son gardien. On voit vraiment là, que l'équipe se tient vraiment là, jusqu'au bout. Oui, ben moi, tu sais, l'intimidation, je crois plus vraiment à ça. Écoute, oui, on la croit. La Croix a fait combien de chiffres dans le match? Zéro. Fait zéro chiffre. Donc, si tu as un moment donné des séries, l'intimidation... je regarde les mises en échec, on a eu plus de mises en échec qu'eux autres. Donc, moi, le côté intimidation, je pense qu'on a des joueurs de caractère, puis on a des joueurs qui ont pas froid aux yeux. C'est des joueurs qui sont prêts à payer le prix d'aller dans le. Tu sais, je pense, dans vont aller chercher la rondelle en premier, puis ils vont batailler justement pour chaque pouce. Puis je pense que c'est plus là, moi, que je vois que, tu sais, si on a une équipe qui est courageuse ou non. L'intimidation, moi, je pense pas que ça va être un facteur dans la série. Il manquait, bon, on avait pratiquement un alignement complet. Il manquait Jean-Sébastien Bérubé qui a manqué le premier week-end. Est-ce qu'on risque de le voir? Est-ce qu'il y a des bonnes chances de le voir en fin de semaine? Ouais, je pense que oui. Écoute, il y a eu un virus, un otite qui s'est transformé en. Il était ses antibiotiques. Oh. Puis Jean-Sébastien, c'est un. Je dirais qu'il était vraiment déçu. Puis pour pas qu'il. Justement, pour que Jean-Sébastien manque un match, là, faut qu'il soit vraiment là, incapable de performer. Puis il faisait de la fièvre, puis il était incapable. On s'est parlé plusieurs fois pendant le week-end, puis il était vraiment déçu de ne pas pouvoir venir aider ses coéquipiers. On croit, là, je pense qu'il sentait mieux. Il va voir son docteur cette semaine, puis je te dirais qu'il y a de fortes chances là, qu'on va le voir en fin de semaine. Puis c'est un joueur qui, je te dirais, qui nous a manqué beaucoup, là, surtout en désavantage numérique. Et puis, on est entre nous autres, Benoît. Est-ce qu'on a des chances de voir Spiro Goulakos en fin de semaine? Disons qu'on va avoir beaucoup plus de nouvelles, là, je te dirais, ce soir. Là, on est en train de. On lui a parlé ce matin. Il va nous revenir ce soir. Il allait parler à son boss à Toronto s'il pouvait se libérer. Si on le voit pas vendredi, là, je te dirais que samedi. Mais encore une fois, je ne veux pas, promettre rien là, aux partisans parce qu'il n'y a rien de sûr encore. Mais. C'est certain que si tu me demandes est-ce que tu vas avoir Goulakos dans l'alignement... J'imagine que oui. De toute façon, on va le confirmer demain. Ben, c'est ça. Dès qu'on a la confirmation, ouais. C'est sûr qu'on le dit, puis je pense que ça va faire plaisir aux partisans. Oui, absolument. Donc, c'est ça. Je garderai contact. Je vous dirai si j'ai des nouvelles. Là, je vous ferai signe. Donc, Benoît, on souhaite un excellent week-end encore une fois. On souhaite que les partisans soient en grand nombre. Puis on invite les partisans. Là, on prépare encore un autobus pour la route. On espère que ça fonctionne. Téléphonez à la billetterie du Palais des Sports. C'est 62 $. Ça comprend le billet, le transport pour le match de vendredi. On a besoin de 45 personnes. Allez encourager les Marquis sur la route. Vous allez avoir un bon spectacle. Benoît, merci beaucoup. Bon week-end. On se parle lundi prochain après les matchs 3 et 4. Parfait. Je vous remercie.